sans écandeur, blessé mortellement. Sous les martèlements, les harcèlements, les assédements, il est si difficile de trouver sa voix sainement. Qu'au gré des errances fut mon enseignement. J'ai troqué mes convictions contre des doutes et ne sachant sur quel pied danser, je me dédouble. Voulant me retrouver, je n'ai fait que m'éviter. La confiance est vidée, le modèle hérité avec tous ses repères, ses ridés, ripés. Je préfère adopter les rôles de série B, ne voulant en vérité qu'une vie sereine. Je quitte ses rêves surannés, des réussites erronées, sous chaque toit surinées, depuis l'école burinée, par nombreux sublimés, les ruinés supprimés, ne crient pas assez fort pour nous alerter qu'il n'y a plus de vainqueur, une fois alité. Notre troupeau a le temps sans cesse à l'été, on ne prend pas le temps de nous arrêter. Mais si le temps c'est de l'argent dans cette course alléchante, alors il semble qu'on perd tous à l'échange. Les sons s'entrechoquent, l'espace sonore est surpris par des mots, par des rires, par l'écho, par des bruits. Les images se succèdent, sans arrêt se bousculent, se transforment et pullulent pour être bien toutes vues. Les objets, les vêtements dans une valse incessante se cassent, se froissent et laissent place à la vague suivante. La bouffe en avalanche accélérée instantanée attaque des milliers d'œsophages par bataillon standardisé. On se tape sur les nerfs, se marche dessus et sans technologie interposée ne parle plus. À la gloire d'une vitesse à peine partiellement contrôlée, comme une sorte d'ivresse face à toutes les heures dérobées par un monde qui remplit tout intervalle de temps perdu, là où calme et patience ne sont pas de grandes vertus. Ce qu'on ne peut avoir tout de suite s'oublie dans la minute, où être heureux c'est courir vite, courir tous azimuts. Dans ce troupeau a le temps sans cesse à l'été, on ne prend pas le temps de nous arrêter. Mais si le temps c'est de l'argent dans cette course alléchante, alors il semble qu'on perd tous à l'échange. Dans ce troupeau a le temps.